Tu n'oublieras pas la nuit du Moyen-Âge, où dans l'affolement du glas du Diaziré, la famine, pilait les vieux os déterrés, pour la peste, gorgeant les charniers avec rage. Souviens-toi de cette heure où l'homme épouvanté, sous le ciel sans espoir et têtu de la grâce, clamait « Gloire au très bon !» et maudissait sa race. Mais dors, c'est bien fini, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.